Quel bonheur d'être belle alors qu'on est aimée. Autrefois, de mes yeux, je n'étais pas charmée, je les croyais sans feu, sans douceur, sans regard. Je me trouvais jolie un moment par hasard. Maintenant, ma beauté me paraît admirable. Je m'aime de lui plaire et je me crois aimable. Il le dit si souvent. Je l'aime. Et quand je vois ses yeux avec plaisir se reposer sur moi, au sentiment d'orgueil, je ne suis point rebelle. Je bénis mes parents de m'avoir fait si belle. Et je rends grâce à Dieu dont l'insigne bonté me fit le cœur aimant pour sentir ma beauté. Mais pourquoi dans mon cœur ces subites alarmes? Si notre amour tous deux nous trompait sur mes charmes, si j'étais laide, enfin... Non, il s'y connaît mieux. D'ailleurs, pour m'admirer, je ne veux que ses yeux. Ainsi, de mon bonheur jouissons sans mélange. Oui, je veux lui paraître aussi belle qu'un ange. Apprêtons mes bijoux, ma guirlande de fleurs, mes gazes, mes rubans, et parmi ces couleurs, choisissons avec art celle dont la nuance doit avec plus de goût, avec plus d'élégance, rehausser de mon front l'éclatante blancheur, sans pourtant de longtemps balancer la fraîcheur. Mais je ne trouve plus la fleur qu'il m'a donnée. La voici. Hâtons-nous. L'heure est déjà sonnée. Oh, bientôt il va venir. Bientôt il va me voir. Oh, comment me regardant, il sera beau ce soir. Le voilà. Oh, je l'entends, c'est sa voix amoureuse. Oh, quel bonheur d'être belle. Oh, que je suis heureuse.